Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relation de la Nouvelle-France, de ses terres, naturelle du pays, de ses habitants, et voyage des pères jésuites en Icelle, d'après une copie de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque impériale à Paris. Chapitre 1. Quel pays est la Nouvelle-France et ceux qui, premièrement, l'ont voulu habiter? Nous appelons Nouvelle-France les terres et pays de l'Amérique, ou Indes occidentales, qui sont à l'autre bord de l'océan de Guyane, vers le soleil couchant, opposés à nous et correspondant directement en même ligne de l'Orient à l'Occident. On leur a imposé ce nom de Nouvelle-France pour deux raisons principales. La première, d'autant que, comme j'ai dit, ces terres sont parallèles à notre France, n'y ayant rien entre la Guyane et ses dites contrées, sinon notre mer d'Occident, large en son plus étroit de 800 lieues et davantage, et son plus ample, peu moins de 1000 lieues ou environ. La seconde raison est d'autant que ce pays a été premièrement découvert par les Français bretons, l'an 1604, il y a 111 ans, et que depuis, ils n'ont cessé de le fréquenter. Les Normands, de même, ont contribué à ce travail des premiers, entre lesquels nous lisons que le capitaine Thomas Aubert, Dieppois, y fit voile l'an 1508 et en ramena des sauvages du pays, lesquels il fit voir avec admiration et applaudissement à la France. Deux ans avant lui, le capitaine Jean-Denis de Honfleur avait fait la même découverte. Mais, parce qu'il n'en avait rapporté que des poissons et des cartes géographiques, son renom en est demeuré plus obscur que celui de Thomas Aubert. Depuis l'an 1523, Jean Vérazon courut toute la contrée depuis la Floride jusqu'au Cap Breton et en prit possession au nom de François Ier, son maître. Je crois que ça a été ce Jean Vérazon qui a été le parrain de cette dénomination de Nouvelle-France, parce que Canada, duquel nom aussi on l'appelle communément, n'est point à proprement parler toute cette tenue de pays qu'on nomme Nouvelle-France, mais est celle tant seulement laquelle s'étend au long des rivages du grand fleuve Canada et le golfe de Saint-Laurent, qui n'est seulement que la partie la plus septentrionale de la Nouvelle-France, ainsi qu'il vous appert par la carte géographique que nous vous apposons ici. Au Canada, touche l'Acadie, au pays des Souriquois, plus bas vers le sud et plus bas encore, au-delà de la baie française, est la Norembègue. De ces deux mots de Norembègue et de Acadie, il n'en reste plus aucune mémoire sur le pays, ou bien de Canada, laquelle fut principalement découverte par Jacques Cartier l'an 1524, et puis par un second voyage, 10 ans après, l'an 1534. Or, dès le commencement de ces découvertes, les Français ont beaucoup traité de culture et des habitants de ces déserts. Déserts ont ce voirement, tout le pays n'étant qu'une forêt infinie. Aucun particulier n'en sont encore venus aux tentatives, comme Roberval et le marquis de La Roche, et autres. Mais l'entreprise la plus haute divulguée et récente pour cet effet a été celle du sieur de Mont, Pierre Dugas, qui s'en est acquis grande recommandation. Et celui, ayant fait un assez notable fonds d'argent et, à cet effet, associé certains marchands de Rouen, de Saint-Malo et de La Rochelle, reçut de Henri le Grand, d'heureuse mémoire, pleine puissance et autorité de lieutenant du roi sur ces dites contrées, dès le 40e degré d'élévation jusqu'au 46e, car là aboutissait la puissance qui lui était donnée de disposer des terres. Ces privilèges, néanmoins de la traite et gouvernement, s'étendaient jusqu'au 54e degré, ainsi qu'on le peut reconnaître par les lettres royales qui lui furent expédiées. Par ainsi de cette commission du sieur de Mont, il semble qu'on ait pris occasion de rétrécir les limites de la Nouvelle-France. Car, comme nous avons dit auparavant, elle s'étendait jusqu'à la Nouvelle-Floride vers le sud, là où maintenant on la borne communément du 39e degré de latitude australe, ainsi que vous le voyez en notre carte. Ses limites à l'orient sont notre mer, à l'occident ce sera la mer de la Chine si nous avons assez de valeur et de vertu. Car, autre borne, n'y a-t-il qui soit certaine, le pays étant infini et plus étendu 10 ou 12 fois que n'est toute notre France. Or, le sieur de Mont, ayant l'autorité et puissance ci-devant dites, et assez bien muni et accompagné, partit de France l'an 1604, instamment 100 ans après la découverte de ses terres. Il s'alla loger en la côte de la Dorembègue, entre les peuples Hétmincois et une petite île qu'il appelle de Sainte-Croix. Mais le malheur l'y accueillit, car il perdit de maladie une grande partie de ses gens. Et pendant l'année suivante, contraint par la nécessité, il changea de demeure à Port-Royal, vers l'est, à quelque 26 lieues de là, en Acadie, au pays des Souriquois, là où il ne demeura qu'à 2 ans, d'autant que les marchands associés, voyant que leur mise surmontait leur recette, ne voulurent plus tenir coup. Ainsi fallut que tous revinssent en France, laissant pour monument de leurs exploits 2 logements vides, celui de Sainte-Croix et celui de Port-Royal, et n'en rapportant autre gain et plus grand fruit que des topographies et descriptions des mers, caps, côtes et rivières qu'ils avaient parcourues. Voilà les principaux actes de nos diligences jusqu'aux années 1610 et 1611, desquels nous parlerons tantôt quand il nous y faudra conduire les jésuites. Mais au préalable, selon notre promesse et comme l'exige la condition de notre dessein, nous montrerons l'horoscope et géniture de ces terres, je veux dire l'aspect du ciel sur Icelle, leur temps, saison, température et qualité. Chapitre 2. Des temps, saisons et températures de la Nouvelle-France. Ces terres étant, comme nous avons dit, parallèles à notre France, c'est-à-dire en même climat et même élévation, par règle d'astrologie, elles doivent avoir mêmes influences, mêmes inclinations et températures, car elles ne diffèrent en cela que comme diffèrent entre nous, par exemple, Grenoble, Vienne et Bordeaux, Paris et Cornouailles, Marseille et Bayonne. Savoir est que seulement un lieu est plus oriental que l'autre. Quant au reste, il a même grandeur de jour, même aspect des étoiles, même saison et température. Vrai est que la Nouvelle-France descend 3 degrés plus bas vers le midi que ne fait la nôtre, laquelle s'arrête à Fontarabie, c'est-à-dire au 42e degré, là où la Nouvelle-France franchit jusqu'au 39e pour le moins, et plus loin, s'il plaît à Sa Majesté de ne rien rabattre de ce que son prédécesseur, François Ier, avait conquis. Néanmoins, quoi qu'en disent les astrologues, si faut-il avouer que ce pays-là, parlant universellement, et comme il est à cette heure, est plus froid que n'est notre France et qu'il y a diversité grande quant aux temps et saisons de l'un à l'autre. De quoi, les causes n'en étant au ciel, il les faut rechercher en terre. J'ai témoigné fidèlement des effets lesquels j'ai expérimenté 2 ans et demi continuels. Je dirais 3 ans et demi, n'étant que j'ai consumé presque 1 an, à diverses reprises, en navigation faite loin du continent. Le lieu de ma plus longue demeure a été Port-Royal, presque à 45 degrés de hauteur polaire. Là, donc, la neige nous arrivait sur la fin de novembre et ne se fondait jamais entièrement dedans les bois que sur la fin de février, s'il n'arrivait, comme souvent, quelque grosse pluie ou quelque fort vent de midi qui la fondit. Mais elle n'était pas si tôt fondue qu'il en tombait d'autres. Hors des bois, et, au découvert, elle n'y croupit guère plus qu'en France, mais il neige plus souvent que d'ordinaire en France. La plus haute neige que j'y ai vue, ça a été d'un pied et demi, encore non pas. Quand le nord-ouest, qu'ici nous appelons Galerne, se met en ses fougues, le froid y est intolérable. Mais cela ne dure que 8 ou 10 jours pour le plus, puis le temps s'adoucit pour un espace, comme en France, et ne serait-on non plus empêché de travailler à quelque métier, voire d'aller et venir, qu'en France, si l'on y était accommodé comme en France. Mais ça n'a été qu'une extrême pauvreté de tout ce que j'y ai vu. Des misérables cabanes ouvertes en plusieurs endroits. Notre vivre, pois et fèves, encore bien écharcement. Notre boire, l'eau pure. Les hardes et habits de nos gens, tout fripés. Nos provisions, d'aller au bois du jour à la journée. Nos médicaments, un verre de vin aux bonnes fêtes. Nos restaurants, quelque peu de chasse au gibier, par bonne aventure. Le lieu inhabité, les chemins sans vestige aucun, la chaussure du pied propre pour le foyer. Allez avec cela et dites qu'il ne fait point d'hiver en Canada. Mais au moins, ne dites que les eaux n'y sont fort bonnes et l'air fort salubre. Car c'est de vraies choses merveilleuses, comme, nonobstant toutes ces misères, nous nous sommes toujours fort bien portés, étant toujours pour le moins 20 en nombre. Ici, en 3 ans, n'en sont morts de maladie que 2, tant seulement, un de Saint-Malo et un autre breton. Encore, ce dernier mourut plus à faute d'avoir un peu de pain et de vin pour le restaurer, tout cela nous étant failli, que non pour atrocité de symptômes ou cruauté de maladie. Que si nous nous souvenons, comme Jean Cartier perdit quasi tous ses gens la fois qu'il les verda premièrement à ces pays, et comme de même le sieur de Mont en perdit bien la moitié la première année de Sainte-Croix, et l'an suivant, qui fut le premier de Port-Royal, encore sentit-il grand déchet, moindre toutefois, et puis moindre la 3e année. De même, et aussi que depuis, à Québec, la première année, plusieurs furent troussés, et non pas tant la seconde. Ces amas de mêmes accidents nous pourra servir à reconnaître les causes des maladies et de la santé que tant diversement nous avons senties. La maladie commune a été le scorbut qu'on appelle maladie de la terre. Les jambes, cuisses et faces enflent, les lèvres se pourrissent et leur surviennent de grandes excroissances. La laine est courte avec une fâcheuse toux, les bras meurtris et le cuir tacheté, toute la personne languit avec grand ennui et douleur, sans rien pouvoir avaler, sinon quelque peu de liquide. Le sieur Champlain, philosophant sur ceci, attribue la cause de ces maladies aux vapeurs que ceux-là boivent, qui labourent, renversent et habitent premièrement ces terres, lesquelles n'ont jamais été découvertes du soleil. Son dire n'est pas impertinent ni sans exemple. Néanmoins, on peut opposer que les mariniers, qui ne vont qu'à la côte pour pêcher et ne défrichent aucune terre ni ne les habitent, nonobstant souvent tombent en ce mal, et surtout les Bretons, car il me semble que ce mal les va triant d'entre tous les autres. Item que nous, qui nous sommes bien portés, comme j'ai dit, renversions néanmoins proue de terre et les éventions, et si n'avons-nous jamais su que c'était de ce mal, hormis un peu moi qui, au second hiver que j'y ai passé, devint fort enflé avec une fièvre et altération incroyable. Mais j'eus toujours les gencives et les lèvres entières, et mon mal se perdit en 10 ou 12 jours. Je crois bien que cela y servait de beaucoup, que notre logis n'était point nouveau, et que tout étant essarté alentour de notre habitation depuis longtemps, nous avions l'air pur et libre. Et c'est, à mon avis, ce que Champlain a principalement voulu dire. J'en ai ouï d'autres qui philosophent autrement, et non sans physique. Ceux-ci opinent que de demeurer accroupi pendant un long et sombre hiver, tel qu'est celui de Canada, avait causé ce mal aux nouveaux habitants. Que de toutes les gens du sieur de Mont, qui premièrement hivernèrent à Sainte-Croix, 11 seulement demeurèrent en santé. C'étaient les chasseurs qui, en gaillards compagnons, aimaient mieux la picorée que l'air du foyer, courir un étang que de se renverser paresseusement dans un lit, de pétrir les neiges en abattant le gibier, que non pas de deviser de Paris et de ses rôtisseurs auprès du feu. Aussi de vrai, quant à nous autres, qui avons toujours été sains à Port-Royal, la disette à laquelle avons été nous a affranchis de deux grands maux, savoir d'excès au boire et au manger, et de fainéantise. Car toujours nous avions quelque bon exercice. Notre estomac, d'autre part, n'était point surchargé. Certes, je crois que cet opiate nous a beaucoup servi. Reprenons notre tâche des temps et saisons. J'ai remarqué, une fois, les deux jours de février, 26 et 27, être aussi beau, doux et printanier qu'on n'en voit point en France environ ce temps-là. Néanmoins, le troisième jour suivant, il neigea quelque peu et le froid revint. En été, quelquefois, le chaud y est autant ou plus intolérable qu'en France. Mais il ne dure pas. Bientôt, le temps se brouille. Les arbres y feuillent plus tard qu'en France pour l'ordinaire et qui n'ont fait cette présente année 1614. Car, arrivant en Picardie sur la fin d'avril, je n'y ai pas trouvé la saison plus avancée. Encore me semblait-il qu'en Canada, tout poussait davantage. En parlant universellement, le temps et saison de ce pays-là est du tout ressemblant à celui que nous avons expérimenté cette dite année à Paris et en Picardie, hormis quant aux brumes et brouillards auxquels le dit pays est sujet. À Port-Royal, nous n'en avions guère l'été, sinon près la côte de mer. Mais aux Etchemins et à Pentagouette, ces brouées tiennent souvent les 3 et 4 jours. Ces choses fort mélancoliques, il nous a donné appréhension qu'elles ne permettraient point que nos moissons puissent mûrir, néanmoins nous avons trop d'arguments au contraire. Car à Port-Royal, qui est plus froid et inégal, elles mûrissent, et en est l'expérience de 3 ans. Item, Champlain assure qu'à Sainte-Croix, qui est en cette même côte, en un endroit fort frileux et nuageux, toutefois, leurs blés et semailles vinrent à maturité. Voir, mais quelle peut être la cause de ces frimas et de ce plus grand froid que nous ne sentons d'ordinaire en France? Car il y a bien à considérer, vu même que la Norembègue, où était notre habitation de Saint-Sauveur, est autant australe que nos provinces qui le sont le plus, la Guyenne, Languedoc et Dauphiné. S'il n'en faut-il point assigner la cause aux montagnes, car nous n'en voyons point là de fort hautes, telles que sont nos Cévennes, Messin, la Chartreuse et une grande partie d'Auvergne, Velay, Dauphiné et Provence. Et serait hors de toute apparence que ce peu de haut pays qu'on remarque en la Norembègue peut causer si grandes altérations en si vaste étendue de province. Même que le grand froid de ce pays-là ne vient pas du côté où plus il y a de haut pays, qui est le nord-est, ainsi que vous pouvez apercevoir en la carte, mais du nord-ouest, qui est tout plat. Les défenseurs des influences tiennent ici bon dans leur casemate et avancent leurs armes défensives à être tout, savoir est, leurs causes inconnues, disant qu'il n'y a je ne sais quoi au ciel qui cause cet effet en ces terres. Et semblement le drac, passant par la mer occidentale de ces régions, à l'endroit de la Nouvelle-Albion, au-dessus du détroit d'Avion, à 40e, 42e et 44e d'élévation septentrionale, il y trouva si grand froid qu'il fut contraint de rebrousser chemin. De même qu'au pays de Canibas, qui est en même latitude au-dedans des terres, les Espagnols y ont trouvé de grandes montagnes et si grand froid qu'ils n'y ont pu durer. Que ces pays-là sont à notre ouest, d'où les plus horribles froidures procèdent, et que ce pourrait bien être la cause de ces gelées et gris temps par une continuation de l'air. Mais pourquoi, en la Nouvelle-Albion et au pays de Canabas, y glace-t-il si fort? On n'en peut pas bien savoir la cause, disent-ils, et il faut croire qu'il y a certaines influences que nous ne découvrons pas. C'est bien certes bâillé de fortes ailes au froid, le nous faire venir de 400 ou 500 lieues, car je crois qu'il y en a bien autant, voire plus, jusqu'à la Nouvelle-Albion. Cependant, nous voyons que souvent une seule lieue de pays, et encore moins, donne changement notable de chaud et de froid, de clair et d'obscur, de sec et d'humide, et toute autre telle variation ainsi qu'il est notoire. De plus, cela est ridicule, après avoir fait 500 lieues pour trouver le froid en son gîte et caverne originaire, ne rencontrer sinon je ne sais quelles influences qu'on ne peut nommer et certaines impressions occultes. N'eussiez-vous pas plutôt fait déloger ces aspects, impressions et causes anonymes et absconses que vous dites sur Canada même, ou des sous-ailes ou dedans, que de les aller chercher si loin en un pays où vous ne fûtes jamais. Quant à nous, après avoir disputé, nous n'avons trouvé que deux causes de la disposition qu'il y a entre ce pays-là et celui-ci, quant aux temps et saisons. L'une est que Canada est plus aquatique, et l'autre qu'elle est inculte. Car, premièrement, si vous regardez même la carte géographique, vous verrez cette région être fort entrecoupée de saints et baies de mer, et ses terres échancrées d'eau. Elle est outre plus fort arrosée de rivières, et occupée de plusieurs étangs et lacs, ce qui serait un grand ornement et commodité du pays, s'il était habité, mais aussi tout cela cause du froid et des brumes, mêmement au bord de la mer et rivières. Or, nous n'avons jamais demeuré autre part, car nous ne sommes point entrés dans les terres, sinon par le moyen de la mer et des rivières. L'Acadie, autrement dit les Iroquois, où est Port-Royal, est quasi-péninsule. Aussi est-elle plus frileuse et plus inégale que la Norembègue, laquelle, sans doute, est meilleure et en toute façon plus habitable et plantureuse. La seconde cause du froid est toute semblable, savoirait la sauvagine et friche du pays, car ce n'est tout qu'une forêt infinie. Partout, le sol ne peut être de longtemps échauffé par le soleil, soit pour ce qu'il a la croûte dure, n'étant jamais labouré, soit à cause des arbres qui l'ombragent perpétuellement, soit parce que la neige et les eaux y croupissent longtemps sans pouvoir être consumées. Par ainsi, de ces terres, ne se peuvent élever que des vapeurs froides, mornes et relentes. Et ce sont les brunes lorsque le vent cesse, et ce sont aussi nos gelées cuisantes lorsque l'agitation et le souffle les mettent en colère. Là où si la terre était habitée et cultivée, outre que d'elle et des logis des habitants montreraient des exhalations, c'est-à-dire des fumées chaudes et sèches, le soleil de plus la trouverait disposée à sentir ses rayons et dissiper le froid et brouillard, ce qui nous était fort oculaire et sensible. Car, en ce peu que nous avions labouré, toujours la neige s'y fondait plutôt qu'autre part, et de là, d'ordinaire, les brouées commençaient à se dissiper et, peu à peu, à s'évanouir. Chapitre 3. Des terres, de leur peuple et de ce qui abonde. Les terres, à mon avis, principalement la Norembègue, sont aussi bonnes qu'en France. Ceux-là, connaissez-vous à leur couleur noire, aux arbres hauts, puissants et droits qu'elles nourrissent, aux herbes et foins aussi hauts souvent qu'un homme, et choses semblables. À Saint-Sauveur, nous avions semé à la mi-juin des grains, des pépins, des pois, des fèves et toutes sortes d'herbages de jardinage. 3 mois après, c'est à savoir à la mi-septembre, nous revînmes voir notre labourage. Le forment n'apparaissait pas. Aussi avait-il été semé hors de saison. L'orge était épiée, mais non pas mûre. Les pois et fazéoles ponnent parfaitement, mais encore vertes. Les fèves n'étaient qu'en fleurs. Tout le reste était admirablement bienvenu, même les oignons et ciboules. Les pépins avaient jeté, et quelques-uns d'un pied tout entier, les moindres d'un demi-pied. Je vous ai dit ci-devant que tout le pays n'est qu'une perpétuelle forêt, car il n'y a rien d'ouvert, sinon les marges de la mer et des rivières se débordant causent des prairies. Il y a quelques endroits bien beaux et de vastes herbages et pâturages, comme est la baie de Chenitou et la rivière de Port-Royal et autres. Mais ici, il faut ôter une illusion dont plusieurs sont abusés par mes gardes. Car, entendant parler ceux qui viennent de pays lointains et qui en racontent les biens et fertilités très souvent avec amplification, car ainsi pensent-ils devoir faire pour être plus attentivement écoutés, ils estiment que tout ce qu'on leur vante de ce pays se trouve partout abondamment. Comme, par exemple, qui, parlant de la France, dirait qu'il a vu les bois et forêts n'être que châtaigniers, orangers et oliviers, poiriers et pommiers, tous si chargés qu'ils en rompaient. Certes, celui-là dirait vrai, car il en est ainsi. L'étranger, néanmoins l'écoutant, y serait trompé parce qu'il s'imaginerait qu'en tous les quartiers de la France, ou en la plupart, tout cela se trouve et ne considérerait pas que les châtaigniers sont en Périgord, à 100 lieues les orangers, qui sont en Provence, et les pommiers sont au pays de Caux, en Normandie, à 100 lieues des châtaigniers et à 200 des oliviers. Or, quand le pays est bien peuplé et habité comme est la France, cette recommandation montre grand bonheur parce qu'au moyen du charroi et commerce, on se communique toutes ces opulences. Mais en un pays inculte et non civilisé comme est le Canada, il n'y a guère plus de différence que s'il n'y avait qu'une chose en un lieu. Je dis ceci parce que cette prudence importe beaucoup à ceux qui vont défricher ces nouvelles contrées, ainsi que nous autres Français y allons volontiers à yeux clos et tête baissée, croyant, par exemple, qu'étant en Canada et ayant faim, nous ne ferons qu'aller en une île et là, escrimant d'un gros bâton à gauche et à droite, autant de coups, autant arrêterons-nous d'oiseaux dont chacun vaudra bien un canard. Voilà qui est bien dit, et ainsi l'ont fait nos gens plus d'une fois et en plus d'un lieu. Cela va fort bien si vous n'aviez jamais faim qu'au temps où ces oiseaux se trouvent en ces îles, et si lors même vous étiez proche d'eux. Car si vous en êtes à 50 ou 60 lieues, que ferez-vous? Pour revenir à mon propos, il n'y a pas de difficulté de rencontrer un bon endroit en une chose, un bon et beau havre, de belles prairies, un sol fégon, une colline de bel aspect, une agréable rivière, un ruisseau, etc. Mais bâtir une place où toutes les qualités désirables soient rassemblées, ce n'est pas la bonne fortune d'un homme pratiquant, dit Aristote, ni le projet de l'idée d'un sage. Car, enfin, dans la pratique, le bon sort et la perfection d'une place, comme d'un homme, ce n'est pas que rien ne manque, mais que rien d'essentiel et de principal ne manque. C'est ce qui m'a fait dire que, le tout considéré, le prenant tant pour autant, j'estime que les terres de là vaudraient celles d'ici quand elles seraient bien cultivées. Mais nous voudrions que là tout fût en un petit endroit, ce que même nous, nous ne trouvons pas ici en un bien ample royaume après si longtemps de culture. En plusieurs endroits, nous avons trouvé de la vigne et des lambrusches mûres en leur temps. Ce n'était pas le meilleur terroir où nous les trouvions, c'était quasi sable et gravier, semblable à celui de Bordeaux. Il y en a beaucoup à la rivière Saint-Jean, à 46e d'élévation. Là, voit-on aussi plusieurs noyers et coudriers, et le fond de terre n'y est guère bon. On ne trouve pas d'autres sortes d'arbres fruitiers, et tout ce pays, sinon toute espèce de sauvageons et forestiers, comme chênes, hêtres, charmes, peupliers, etc., et des cèdres. C'est ainsi toutefois que les Français appellent cette espèce. Si le pays était habité, on pourrait profiter de ces mines, car il y en a une d'argent dans la baie Sainte-Marie, au rapport du sieur Champlain, et deux de beaux et francs cuivres, l'une à l'entrée du Port-Royal et l'autre à la baie des Mines, une de fer à la rivière Saint-Jean et d'autres autre part. Le grès, l'ardoise, la pierre de taille, le charbon de terre et toutes sortes d'autres pierres n'y manquent pas. Toute cette Nouvelle-France est divisée en divers peuples. Chaque peuple a sa langue et sa contrée à part. Ils s'assemblent l'été pour troquer avec nous, principalement la Grande Rivière. Là aussi viennent de bien loin plusieurs autres peuples. Ils troquent leur peau de castor, de loutre, d'élan, de martre, de loup marin, etc., contre du pain, des pois, fèves, pruneaux, petun, etc. Chaudron, hache, fer de flèche, haleine, poinçon, capot, couverte et toute autre commodité que les Français leur apportent. Quelques peuples ont maintenant une implacable guerre contre nous, comme les Escominquois, qui habitent au côté boréal du grand golfe Saint-Laurent et nous font de grands maux. Cette guerre a commencé, comme l'on dit, à l'occasion de certains Basques qui voulurent faire un méchant rapt. Mais ils payèrent bien leur maudite incontinence, et non seulement eux, mais aussi ceux de Saint-Malo et beaucoup d'autres ont pâti et pâtissent tous les ans. Car ces sauvages sont furieux et s'abandonnent désespérément à la mort, pourvu qu'ils aient espérance de tuer ou méfaire. Il n'y a que trois peuples qui nous soient familiers et bons amis. Les Montagnais, les Souriquois et les Etchemincois. Pour les Etchemins et Souriquois, j'en suis témoin, car j'ai demeuré parmi eux. Pour les Montagnais, j'en ai ouï parler. Quant aux autres peuples, il n'y a point de confiance. Aussi, les Français ne les hantent que pour découvrir leur rivage, et encore s'en sont-ils mal trouvés, hormis Champlain en ses dernières découvertes, contre Mont-la-Grande-Rivière, qui ne s'en plaint pas. Cette amitié et fidélité des dix peuples envers les Français a paru remarquablement après notre déroute faite par les Anglais, comme vous l'apprendrez. Car eux, l'ayant su, s'en vinrent à nous la nuit et nous consolaient du mieux qu'ils pouvaient, nous offrant leurs canots et leurs peines pour nous conduire où nous voudrions. Ils nous offraient encore, que s'il nous plaisait, de demeurer avec eux. Ils étaient trois capitaines. Bethsabée, Ogigouyou et Asticou, dont chacun prendrait pour sa part 10 de notre troupe, puisque nous restions 30, et nous nourrirait jusqu'à l'an suivant, quand les navires français arriveraient à la côte, et qu'en cette façon, nous pourrions repasser en notre pays sans tomber aux mains des méchants Ingres, c'est ainsi qu'ils appellent les Anglais. Ce n'était point mines ou pièges pour nous surprendre, car vous entendrez ci-après le bon traitement qu'ils firent au père Ennemond et à sa troupe. Et à Port-Royal, durant 3 hivers qu'on a eu bon besoin d'eux, on les a expérimentés fidèles et secourables. Que si leur dessein eût été de nous méfaire, les bonnes et belles occasions ne leur ont pas manqué.